chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le web, www.radiogemozo.eu, et à tous nos amis Facebook ou Facebookiens. Oh, on peut dire ça aussi peut-être. Alors il est encore temps pour moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année. Voilà, plein de bonnes choses, de bonheur, de joie, d'amour, de santé surtout, c'est important. Et puis j'en profite pour faire un coucou à mon ami Danny Blondeau qui se remet tout doucement d'une sale grippe. Alors Danny, je ne sais pas si tu l'écoutes, je te fais des gros bisous et surtout prends soin de toi. Je fais un petit coucou aussi à Perrine Henry, une artiste adorable, voilà, qui nous suit aussi sur les émissions. J'ai eu le plaisir de la voir en fauneur, et vraiment c'est une artiste que j'adore. Elle a la gentillesse de nous envoyer ses vœux, c'est vraiment formidable, c'est assez rare. Alors bonjour le Québec se réveille, il est 10h. Alors des bisous à ma petite équipe. Donc merci Lynn pour ta collaboration, et je sais que ce matin tu as dû sauter du lit pour être à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit. Alors bonjour Lia. Bonjour Gilou. Tu dois te dire qu'est-ce qu'il raconte. Non, tu suis, ça va. Ça va, je suis. Ça va. Comment vas-tu Lia? Ça va bien, merci. Ah ben, c'est bien, moi, je suis content de te retrouver. Moi aussi. Et puis je te présente tous mes meilleurs vœux. Pareil. Hein, bien, voilà, comme plein j'ai dit. Plein de beaux projets. Plein de projets, hein, plein de belles choses. Plein de belles rencontres. Plein de belles rencontres aussi. Des interviews. Voilà. Un streaming qui fonctionne, c'est reparti comme en 14. Allez, c'est parti. Voilà tout ça, quoi. Alors, vous êtes avec Gilou, hein, dans les années bonheur, je suis très content de vous retrouver pour cette première émission de l'année, et bien sûr, j'espère de nombreuses, hein, voilà, on vient de le dire, de nombreuses aventures musicales dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. Toujours. Et oui. Alors, c'est vrai que les chansons nous font tellement de bien. Je vous accompagne jusqu'à 17h30, et pour cette première, du rock, du blues, de la country, des ballades, chansons internationales. Ah. Alors, c'est vrai que cette semaine, on n'entendra pas de chansons françaises. Et ben voilà. Ah ben voilà. Hein. C'est comme ça. C'est un petit choix que j'ai fait comme ça, voilà, pendant les vacances. Avant, pendant la fin de l'année, j'étais un petit peu farfouillé sur Facebook. J'ai découvert, redécouvert des artistes qu'on n'entend plus, malheureusement. Bon, il y en a quelques-uns qui sont décédés, mais c'était pas mal. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur nos pages Facebook respectives, Radio Gemozo et Gimougel officiel. Et bien sûr, je vous attends au standard, au 03 29 62 40 40. Tout à fait. Voilà, ça serait sympa, un petit coucou. Voilà, donc nous allons commencer par une première chanson donc de Joe Dolan qui s'intitule Lady in Blue. Who's that lady on her own? I wish that she would look. Stands there all alone, a painted smile upon her face, a lonely lady dressed in blue. May I have this dance with you? Let me hold you in my arms. Let the music fill your heart. Now that I'm with you, wish this death will last forever. Lady in Blue, titre de 1975. Tout à fait. Voilà, interprété par Joe Dolan. Alors, Joe Dolan, pour vous dire. Alors, Joe Dolan naît le 16 octobre 1939 à Mullingar. Alors, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a des noms compliqués. Dans le comté du Westman, je pense que c'est comme ça, en Irlande. Ses premiers succès datent de 1968. Avec Westman Bachelor, puis Make Me Island, on l'entendra tout à l'heure celle-là, en 1969, qui atteint la troisième place des charts en Grande-Bretagne et se classe numéro 1 dans 14 autres pays. En 1978, il devient le premier chanteur occidental à donner des concerts en URSS. Ah oui ouais. Il voyage ensuite beaucoup et a plusieurs contrats assignés à Las Vegas. Pas mal. Hein. Joe Dolan comptait à son actif d'autres tubes classés dans les charts européens, dont Your Zork Good Looking Woman en 1970 et Lady in Blue qu'on vient d'entendre là, donc oui. Titre de 1975. On entendra un autre tout à l'heure, un petit peu plus calme. I Need You en 1977. Voilà, c'est un petit peu résumé hein, parce que. Il y en a beaucoup sur la bio. Et bon, voilà, malheureusement, décédé le 26 décembre 2007, à 68 ans. Il faisait beaucoup, beaucoup de tournées. Et c'est un jour de Noël qui s'est effondré dans sa maison. Il était dans le coma et puis il est décédé. Voilà pour Joe Dolan. Alors bon, Joe Dolan, on va l'entendre plusieurs fois dans l'émission. Voilà, donc c'est, voilà, ça fait partie, comme je disais en préambule, de mes découvertes pendant les vacances. T'as pas répété l'anglais pendant les vacances. Mais écoute, sous les titres ça va, mais bon, non mais tu vois, il y a des noms un petit peu... Je comprends, voilà. Je ferai pas mieux. Alors nous allons entendre maintenant une autre chanson de Jackie Jersey, donc c'est un chanteur aussi, chanteur de country, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors là, il nous interprète Blue Brown Eyed Lady. Brush the tears from your eyes, Maria, please don't cry. Cause you know how much I really hate to say goodbye. You and I, we had good times together, but I knew it couldn't last long. Blue, brown eyed lady, let's pretend it just yo te quiero mucho, María, you're my love. You're the only one I keep on thinking of. We can stay alive and together, so it seems. Adios, adios, my love, we'll meet again in far away from you, Maria, across the sea. Better memories will always be a part of me. You and I, we fell in love so deeply. Was it right or was it wrong? Blue, brown eyed lady, let's pretend it just so long. Yo te quiero mucho, María, you're my love. You're the only one I keep on thinking of. We can stay alive and together, so it seems. Adios, adios, my love. We'll be right back. Jack Jersey. Je vous répéterai pas le titre. Donc cette chanson a été reprise par Franck Michael en français, bien sûr, avec ce titre « C'est fini ». Voilà, alors Jack Jersey, pour dire quelques mots sur cet artiste, c'était un musicien néerlandais. Il était surtout producteur, compositeur, parolier, arrangeur de musique et interprète dans les genres soft rock, musique légère, country. Il faisait de la musique en néerlandais, en allemand, en malaisien, en italien, mais surtout en anglais. Il travaillait pour des artistes des Pays-Bas, mais également de l'extérieur. Comme chanteur, il était connu sous le pseudonyme donc, de Jack Jersey. Je ne vous ai pas donné son vrai nom parce que je ne pense pas que je pourrais le prononcer. Donc Jack Jersey, voilà, il a enregistré aussi à Nashville. Si, c'était un grand musicien aussi qui a enregistré à Nashville avec le groupe The Jordanaires. Alors The Jordanaires, c'était les chœurs d'Elvis Presley. Ah oui. Alors, il avait des chœurs féminins, Elvis, et il avait des chœurs aussi donc masculins, ah qui oui. s'appelait The Jordanaires. Et donc Jack Jersey a enregistré un album là-bas, donc à Nashville. Waouh. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Ouais, ouais. Voilà ce que je voulais dire. Alors lui, pareil, décédé le 26 mai 1997 à Rozendaal, Pays-Bas. Bon. Voilà. Alors là, nous allons écouter un duo. Un duo. On va quand même écouter. Ouais, oui, il y a quand même deux, trois artistes féminines dans ma playlist. Là. Alors, Vicky Leandros, qui chante avec Tony Christie. Alors, lui, alors, Gonna Stay Together. Yeah. On y va. Yeah, on écoute. Quite right, you take me by the hand. If I forget to say I love you each night, you understand. If I am happy, it's because you're all mine, with so much love to give. You hold the key to my heart. I know that we'll never part long as we live. Apart. You have the only key to my heart. You have the only key to my heart. Voilà un beau duo, Vicky Landros, Tony Christie. Alors, quelques mots sur Vicky Landros. Donc, Vicky Landros, elle a vu le jour à Corfou dans les îles Ioniennes. C'est une chanteuse grecque ayant notamment remporté l'Eurovision en 1972 pour le Luxembourg avec la chanson « Après toi ». Pas mal. C'était pas mal. C'était encore bien à cette époque. Bah oui. Elle s'est illustrée dans la musique de variété d'expression française, allemande, anglaise, néerlandaise ou bien japonaise. Vicky Landros est une artiste très populaire dans les pays de langue germanique, tout comme en Grèce ou à Chypre. Donc, on en parlait, le titre « Après toi hein, », où elle gagne le titre voilà, à l'Eurovision pour le Grand-Duché du Luxembourg. Et elle remporte, bon, parce qu'elle avait déjà participé une fois, mais là, c'était la deuxième fois. Elle remporte cette fois la victoire haut la main devant le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est une émouvante ballade hein, sur le thème de la rupture. Alors, elle connaît un succès phénoménal dans le monde entier en 7 langues, notamment numéro 1 au Benelux, en Suisse ainsi qu'en France et en Norvège. Voilà. Et puis elle fait sa carrière, Vicky Landros. Elle est maintenant, elle est toujours en Allemagne. Elle fait sa carrière. Ah ouais. Ouais. Voilà pour Vicky. Alors je vais vous parler de Tony Christie aussi. Voilà, là, on vient d'entendre le duo. Hein, donc, alors Tony Christie, j'ai pas grand chose. Tony Christie, nom artistique. Voilà, né le 25 avril 1943, est un chanteur, musicien et acteur anglais, très connu aussi en Allemagne aussi. Bien sûr, il chante en Allemagne. Il est de nationalité britannique. Enfin, il chante sur les deux langues. Hein. Oui. Il est chanteur, musicien, acteur. Eh ben. Voilà, pour Tony Christie, on le réécoutera aussi tout à l'heure. Alors là, on va retrouver Joe Dolan. On va retrouver dans un rythme un petit peu plus calme. D'accord. Une chanson un petit peu plus douce. Avec ce titre, I Need You. Gonna last till the day that I die, for I need you. I'll never say no to the love that I've known, making me feel so happy inside. A heaven I found, it walks on the ground, and I need you. What more can I say? Alors écoute bien, l'IA, chanson de 1977. Pas de problème, Gilou. Donc voilà, on a entendu déjà du titre de Joe Dolan, hein, le tout premier Lady in Blue, et puis là, I Need You, c'est du gros succès de sa carrière à Joe Dolan, et qu'on a bien sûr entendu en France, donc aux années que j'ai citées là tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, on va partir sur un groupe allemand. Mm-hmm. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu plaisir. Je manque bien la variété allemande. Là, c'est assez sympa. Alors, ça s'appelle le groupe s'appelle Die Coleros. Alors, je ne sais pas s'ils sont en colère. Ah bah oui. Je sais pas si... et puis le titre, ça dit Aloha et chérie. Bon, on écoute. Bien sur le 107 FM Radio Guémozo, hein, bien sûr. Hein. On vient d'écouter une chanson allemande, voilà, c'est un petit peu international. Cet après-midi, dans les années bonheur, on va écouter Adriano Celentano avec ce titre Woman in Love. Try to deny you're a woman. such a glow. Sound flame deep within, man and shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may the gaze evermore into mine. Crazy gaze evermore into mine. 6 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rhyme a con rock. Around 2 o'clock tonight, who's gonna get that time? Join me on, you'll have some fun when the fox is wrong. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, feel broad delight. We're gonna rock, gonna rock, gonna round the clock tonight. Around the clock tonight, 2, 3, and 4, up to Mount Rose, we yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, feel broad delight. We're gonna rock, gonna rock, gonna round the clock tonight. Such a glow, sound flame deep within, man and shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may the gaze evermore into mine. Adriano Celentano, voilà, italien, titre des années 70. Alors, c'est vrai qu'on découvrait ça à l'époque. Ouais, c'est vrai que ça démarre doucement, puis après, bon, ça part sur du rock, quoi. Puis après, ah ça oui. termine tout doucement. Voilà. C'était des choses qu'on ne connaissait pas. Enfin, voilà, c'est vrai que. Alors, Adriano Celentano, donc, est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur, scénariste et présentateur italien. Artiste majeur de la chanson italienne, il a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde. Ah oui, quand c'est même. Impressionnant, oui, c'est impressionnant quand même. Ah oui. Certains de ses succès ont même été adaptés en français, notamment par Johnny Hallyday. Bon. Ouais. J'aurais dû rechercher les titres un petit peu, c'est dommage, tiens. C'est vrai que. Voilà, sur Adriano Celentano. Alors, on va écouter maintenant Franck Galland avec cette chanson Blue Spanish Eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon water, bringing you all the love your heart can hold. Please say, Cece, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish eyes, please smile at me once more before I go. Franck Galland, c'est pas mal, hein? Pas mal. Cette chanson blues. Ça bouge. Spanish Eyes, ça blouse. Ça blouse. Ça bouge. Oui, non. Pardon. Un titre, donc, qui a été repris par, aussi par pas mal de, d'artistes. Elvis Presley, Gilbert Huperding, Tom oui. Jones, voilà. C'est un titre très connu. Mais donc, Franck Galland, là, c'est un de nos chanteurs, enfin, sur la playlist qui est un petit peu plus récent. Enfin, voilà. Je vous en dis un petit mot. Il s'appelle de son vrai nom Franck Léo. Alors c'est du belge, hein, je ne sais pas comment on prononce. Jules Van Mol. Ah oui. Hein, tu vois. Quand même. Heureusement qu'il a un nom de scène lui aussi. Oui, oui, bah voilà, voilà. Donc il est né à Led en Belgique en décembre 1960. C'était un crooner, un chanteur de charme. Ah. Ouais, belge. Son nom de scène, donc, est Franck Galland. Il est le frère du présentateur de télévision belge, néerlandophone, Herman Van Mol. Tu vois ? Ok. Donc, Franck Galland vient actuellement en Belgique. C'est vrai que je me répète, je le dis souvent, mais en radio, il... on a beaucoup de choses à prononcer, hein, oui. Un petit peu dans toutes les langues. C'est pas toujours évident, quoi. Mm-hmm. C'est vrai. Hein. Alors, on va retrouver maintenant... Jack Jersey, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, avec ce titre « Lonely Me ». Tomorrow I don't Voilà donc Jack Jersey, hein, voilà encore un crooner. Hein, c'est des artistes qui sont venus un petit peu après la lignée des plus anciens, je dirais Dean Martin, Frank Sinatra, etc. Quoi, voilà, ça a suivi. Oui. C'est des belles voix quand même. C'est vrai que. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai un petit peu farfouillé tout ça, j'ai découvert. Je me suis dit voilà, c'est pas mal. Ça. C'est dommage qu'on l'entende plus trop. Mais bon, voilà. Alors, c'est moi qui vous l'ai fait entendre hein, sur Radio Gamozo 107FM. N'hésitez pas à nous appeler. Mais oui. 03 29 62 40 40. Voilà, on est là pour vous accueillir. Bien sûr. Voilà. Appelez-nous. Appelez-nous. Et on vous fait gagner. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire? On vous offre un petit chocolat. Allez, un petit Ferrero. Un petit Ferrero. On vient déjà de s'en enfiler deux, Ali. Hein. On vous offre un petit câlin. Ça fait du bien. Voilà. Ouais, voilà, ça fait voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien. C'est vrai qu'ils oui, c'est vrai. Ils sont bons. Hein. Oui. Bon. Alors, on retrouve maintenant Tony Christie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous en reparlerai plus. On l'entendra encore une fois. Ah, bah voilà. Non, mais voilà. Et là, il nous interprète Is This the Way to Marry You? Is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to church bell ringing, hear the song of joy that it's singing, for the sweet Maria, and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway, there's an open plain, and it keeps me going. Tony Christie. Chalala, la, la, la, la, la. Ouais. On est deux, mais on s'éclate. Alors, ça, il c'est un peu pour être heureux. Ben, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est un titre de 1971. C'est une chanson qui a été reprise. Ça va rester gravé, ça. C'est une chanson qui a été reprise par Ringo Willicat. On appelait où, Ringo, bien sûr, l'ex-mari de Sheila. Sheila. Allô Sheila, non, c'est Ringo. Bon. Et ce titre a été réenregistré en 2005. Voilà. Ah oui. Oui, il était remis un petit peu au goût du jour en 2005, donc par Tony Christie. Bon. Là, on va revenir sur un registre un petit peu plus calme, plus doux, plus romantique. Ah quand oui. même, hein, il y a toujours quand même un petit peu de romantique dans mon émission. Oui. Alors, c'est un duo aussi. Alors, la chanteuse s'appelle Debbie, le chanteur Andrés. Voilà, bah oui, Debbie et Andrés qui chantent « Adios, my love ». So farewell till we meet once again. I will miss you. Adios, my love. À Bousselot, hein. Alors, je pense que tout le monde aura reconnu quand même ce titre, c'est La Paloma. Ah oui. Qui était aussi chanté par de nombreux artistes. Là, on va retrouver une artiste allemande, Daniela Alfinito. Oui. Voilà. Qui nous interprète, je vais vous le dire. Bah, bien sûr, je vais vous le dire. Bah, bien sûr. Et je vous le traduirai aussi. Ah oui. Ouais, ouais. Viel zu hoch geflogen. Impeccable. C'est-à-dire beaucoup ont volé trop haut. Ah. Tu vois, je, là. Là, t'assure. Là, j'assure. Voilà. Là, je suis mort en allemand. Non, on écoute partout. Daniela. Nein, mein Freund, ich glaub dir nicht. Ich weiß, du kommst von ihr. Und bleibst für immer hier. Wenn man mit dem Feuer spielt, dann brennt man sich daran. Ich kann's nicht kapieren, dass man alles verspielen kann. Du bist viel zu hoch geflogen, hast den Himmel fast berührt und mich eiskalt angelogen. Daniela Alfinito, voilà, une belle artiste allemande. Elle est belle, hein, je l'ai vue en photo, elle est belle. Hein. Ah bon, oui, bon c'est dommage, je te on te fait confiance. Elle est belle, hein, donc voilà. Et elle est toute récente hein, dans la variété allemande. J'avais noté, avec cet album, elle est cinquième des ventes en Allemagne et sixième en Autriche. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Hein. Quand même, oui. C'est pas mal quand même. Mm. Hein. Alors là, on va entendre un titre que vous connaissez bien, de Roy Orbison. On en reparle après, mais là, on écoute au Pretty Woman. The truth, no one could look as good. guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Pretty Woman. Alors, si je traduis, ça fait aux jolies filles, je pense, non? Pretty Woman, c'est ça en anglais? Oui, c'est ça, oui. À peu près, ouais. Oui. Ah, ouais, ouais. Belle femme. Belle femme. Ok. Jolie femme. Jolie femme. Donc, cette chanson est tirée, bien sûr, du film du même nom, hein, c'est ça? Pretty Woman. Oui. Voilà. Avec Julia Roberts, c'est ça. Chargir. Culte, hein? Culte, hein? Bien sûr, oui. Sorti en 1990. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça, même si on était petits, tout ça, on l'a tous vu. On l'a tous vu. Puis, ben, tu sais pas ce qu'on va faire, Lia. Non. On va faire un remake, tous ah les oui. deux. Tu fais Julia, puis moi je fais Richard. Moi, je ferais plus le contraire, moi. C'est-à-dire? Tu fais Julia, je fais Richard. Voilà la bonne humeur sur RGM. Alors maintenant, on repart dans le rock. Yeah. Yeah, avec Joe Dolan et ce titre Sweet Little Rockin' Roller. Oh là, ça c'est bien ça. Vous êtes bien sur le 107 FM, Radio Guémozo, les années bonheur. Vous n'êtes pas trompé d'émission, hein. C'est sûr que on est plus sentimental, enfin un peu plus romantique dans les années bonheur, mais quand même, ça fait du bien, là, ça bouge. Eh oui. Ça me permet quand même d'enchaîner avec la chanson suivante, avec notre chanteur Franck Galland, notre chanteur de charme, eh oui, qui nous chante Un sentimental. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga penas. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huellas. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Yo, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o tenga penas. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huellas. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Yo, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Voilà, Franck Galland, Un sentimental. Alors, bon, il faut dire que Franck Galland aussi a repris pas mal de chansons de Julio Iglesias. Ouais, ouais, ouais, il avait fait un... D'ailleurs, on en avait entendu dans une des dernières émissions. Oui. L'année dernière, je l'avais dû en diffuser une ou deux. Il a fait un album qu'il a sorti en milieu d'année, tu vois, avec des reprises de Julio Iglesias. Et c'est vrai qu'il il a une belle voix, il chante bien. C'est, j'aime bien, moi, ce style. Alors là, on va partir avec Ricky Nelson, qui nous interprète Rhythm of the Falling Rain. She don't care. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Voilà, Ricky Nelson. On a remis nos cirés parce que t'as entendu, il y a de l'orage. Il pleut un peu ici. Il pleut un petit peu ici. Hein, voilà. Rhythm of the Falling Rain. Alors, je traduirais comme rythme de la pluie qui tombe. Peut-être. Hein, peut-être. Hein, voilà. Peut-être. On avait le soleil, puis maintenant il y a la pluie qui voilà. arrive. Hein, voilà. On retrouve le crooner Tony Christie qui nous interprète "I'll Be Knocking on Your Door". Sent from my heart was saying we'll never part. I never loved anybody till then. I thank the heavens above for sending me your sweet love. I'll be knocking on your door, begging you for more. I wanna hold you to me. I'll be knocking on your door, I'll be back home. Alors, avec l'appui, j'ai oublié de vous dire un petit mot sur Ricky Nelson tout à l'heure. Ouais. Alors, Eric Hilliard Nelson, mieux connu sous le nom de Ricky Nelson ou de Rick Nelson, est un acteur et chanteur, compositeur américain de rock and roll et de country. Il est né le 8 mai 1940 à Teaneck, dans le New Jersey, États-Unis. Et il est décédé le 31 décembre 1985 dans un accident d'avion au Texas, États-Unis. Ricky Nelson a commencé à voler de ses propres ailes dès 1957. Oh, c'est l'année de ma naissance. Oh, dis donc, ça me rajeunit pas. Ah ben voilà. Donc, grâce à une reprise de Fats Domino, I'm a Wanking, il s'est posé en concurrent d'Elvis Presley. T'imagines quand même. Oui. Mais bon. Il a également joué au cinéma en apparaissant dans quelques films, dont le célèbre Rio Bravo, un film de Howard Hawks, aux côtés de John Wayne et de Dean Martin. Dean Martin qui était aussi un acteur et bien sûr un chanteur. Oui. Je sens que cela te parle, Lia. Je suis tout ouïe. Je vois que tu es tout ouïe. Voilà. Donc, de la plupart de ce qu'on vient d'écouter, là, bon, tu connaissais un petit peu Roy Orbison. Une ou deux. Et puis en les écoutant comme ça. Oui, oui. Oui, non, mais c'est normal. Il y a des choses qui me parlaient quand même. Oui, il y a des choses qui te parlaient. C'est normal. Hein. Tu étais toute jeune hein, quand ils étaient. Voilà. Voilà. Tu m'ouvres une culture musicale. Ouais, bah, c'est bien. Alors, ça peut servir à. Hein? Voilà, c'est du partage. Bah, c'est ça. Ah, c'est beau la musique, c'est du partage. Tout à fait. Voilà, alors on retrouve Jacques Jersey. Avec ce titre I Wonder. Voilà, un nouveau titre de Jacques Jersey. Dis-moi, Lia, tu as mangé de la galette déjà ce... Oui. Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois. J'avoue. Ou de la gourmande. Je pensais qu'on aurait dû prendre une petite galette, tu sais. Bah oui. Pour après-midi. Bah oui. Puis ça aurait été bien parce qu'en fait, une fève, ben voilà, tu étais la reine, moi j'étais le roi. Eh ben voilà. Il n'y avait pas de soucis. Bon, pas besoin de galette, t'inquiète pas. On a eu du chocolat. C'était pas mal. Alors, on retrouve Joe Dolan maintenant avec un de ses grands titres, là, Make Me an Island. Mmh. different size, different girls every day, different names, different games, took my breath clean away, but I'm changed, rearranged, I'm enlightened, and how you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me off, cut me off, make me an island, I'm yours. Take me away from the world. Take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Running round, shifting ground, that's the life I've seen. But I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. You are mine, I am yours. If the Lord will allow, you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island, I'm yours. Take me away from the world, take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island, I'm yours. Take me away from the world, take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Take me and break me and make me. Voilà, un titre de 1969, classé dans 14 pays. Et ça a été repris par Hervé Villard, avec ce titre, « Fais-moi une île de tes bras ». C'est beau, hein ? Oui, c'est beau. Excuse-moi, je viens en même temps aujourd'hui. Je t'ai pris pas. L'IA. Voilà. Voilà, alors on continue avec... Tony Christie. Voilà. Hein, Tony Christie, One Dance With Me. Allez, on danse avec Allez, toi. Allez, sympa. Merci, c'est gentil. We were just friends whenever we met. We simply smiled hello. We had a short walk, exchanging small talk, little did we know. That magical night we met at a club, I asked if you wanted to dance. I held you near, had no idea we were heading for haven't changed. I know they never will. We'll stay together, loving forever. Time has just stood still. Whenever we dance, it happens again, just like it did before. As I hold you to me, memories run through me as we go round the floor. One dance with you made me realize you were my lady, you were my baby as I looked in your eyes. Merci Elia pour l'invitation. Avec plaisir. Tu danses bien. Alors, on a le temps de se faire un petit dernier rock. Ah oui. Pour terminer, avec Joe Dolan. Oui. Et ce titre, Quasi Woman. Yeah. Yeah. You're such a crazy woman. L'émission se termine tout doucement. Alors là, on est parti vers le rock, le blues. Hein. On parle des balades, chansons internationales. Voilà. On s'est un petit peu baladé. J'espère que je n'aurai pas trop, comment je veux dire, pour nos auditeurs, nos auditrices, qui ont l'habitude un petit peu voilà, des années bonheur. Voilà, mais bon, mais ça change un petit peu. Hein, c'est, voilà. Oui, on sort de notre zone de confort. Ouais. Voilà. C'était le retour, donc Gilou saison 8, épisode 6. Pire que les feux de l'amour. Pire que les feux de l'amour. Donc, bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures musicales. Oui. merci Dia. Mais c'est moi qui te remercie. D'être là voilà, pour cette première. Et puis je pense qu'on se retrouvera encore. Hein, ah oui, bien sûr, pense. Hein. Je pense. Merci pour la co-animation, puis ton sourire. Ça fait toujours plaisir. Puis pour les chocolats. Ah oui, oui, oui. Voilà. Bon ben, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Bye bye. À bientôt. Chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le